بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant aujourd'hui notre cours, c'est le cours numéro 17 dans l'explication du livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima avec les explications du Cheikh Ahmed Al-Najmi Rahimahullah. Donc, on était toujours dans la section, dans le chapitre au sujet du kufr, la réalité du kufr et ses différentes formes. Et on a expliqué qu'on peut diviser le kufr en deux grandes catégories, le kufr al-akbar ou le kufr al-asghar, le kufr majeur et le kufr mineur. Et ensuite, on a expliqué qu'il y a différentes formes de kufr, et on a mentionné 5. كفر التكذيب كفر الإباء والاستكبار مع التصديق كفر الشك وهو كفر الظن كفر الإعراض كفر النفاق et كفر كفر النفاق ça c'était la cinquième et certains علماء qui mentionnent كفر الجحود mais الجحود ça rentre dans التكذيب aussi ou bien c'est proche de ça donc. Et la deuxième catégorie de kufr qu'on a mentionné, la deuxième grande catégorie, c'est le kufr al-asra, c'est-à-dire le kufr mineur. Donc il y a deux grandes catégories, le kufr majeur et les différentes formes, et le kufr mineur, maintenant c'est ce qu'on va expliquer. Et le cheikh il dit, الثاني وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة. كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي. وهو يعني الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر مثل كفر النعمة وقتال المسلم والحلف بغير الله فمما ورد في القرآن كفر النعمة قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أقول الكفر الأصغر ورد في السنة كذلك ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والمراد به والمراد هنا كفر النعمة أو كفر النعمة الأخوة الإيمانية. فإذا تقاتل المؤمنون الذين أنعم الله عليهم برابطة الإيمان فإنهم يعتبرون قد كفروا بهذه الرابطة بمعنى أنهم جحدوا, ولهذا فإن الله عز وجل سماهم إخوة رغم التقاتل, فقال تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة بعد أن ذكر الطائفتين الباغي والمبغي والمبغي عليها, وهي قول في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, أي نعم, إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم, فأثبت لهم أخوة الإيمان فأثبت لهم أخوة الإيمان مع وجود التقاتل بينهم. وقال أيضا في سورة البقرة إذا عفي عن القاتل من القصاص وقبلت الدية, قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Okay, donc on va expliquer cela. Le cheikh, il explique que la deuxième catégorie de kufr, c'est le kufr mineur. C'est-à-dire le petit kufr, le kufr mineur, le kufr qui ne fait pas sortir de la religion. Et il dit, c'est aussi qu'est-ce qu'on appelle le kufr de l'action. Le kufr de l'action par opposition au kufr de la croyance. Hein? Par opposition au kufr de la croyance. Et comme j'avais expliqué au dernier cours, j'ai dit qu'il faut faire attention aussi quand on utilise cette expression du kufr de l'action, parce que parfois, certaines formes de kufr d'action peuvent certaines formes de coffres d'action peuvent être directement reliées au coffre de la croyance dans certains cas. Donc il faut faire attention quand on emploie cette expression-là, le coffre dans l'action. Pourquoi? Parce que, par exemple, certaines actions, si quelqu'un les fait, comme le fait de, par exemple, d'insulter Allah, d'insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans les actions, mais c'est relié, hein, à la croyance. Et de même que la personne qui, par exemple, tue un prophète, ou bien, même si ça, c'est pas possible aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de prophète, hein, le dernier prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui, par exemple, jette le mushaf dans les poubelles ou dans les toilettes, ou bien qui marche dessus, ou des choses comme ça. Ça, c'est des exemples. Ou bien le fait de se prosterner devant une statue ou une idole. Ça, c'est des exemples de coffres d'action, hein, et de shirk. Donc, c'est pas parce que c'est une action que c'est pas nécessairement ou que c'est obligatoirement un coffre mineur. Il y a des formes d'action, il y a des certaines actions qui sont des coffres il y a des majeurs, même si c'est des actions. Comme le fait de se moquer de la religion aussi. Des choses comme ça. Mais en ce qui concerne le kufr amali, qu'est-ce qu'on veut dire par le kufr amali? C'est-à-dire des péchés. D'accord? Le kufr amali, c'est-à-dire certains péchés qu'on peut commettre qui sont appelés kufr dans la révélation. C'est-à-dire que dans le Coran et dans la Sunna, Allah Azzawajal a nommé ces choses-là kufr, sauf qu'elles n'atteignent pas le degré du kufr majeur. D'accord? Et on les appelle parfois aussi par une autre expression. On dit par exemple kofron duna kofr. Kofron duna kofr. Comme par exemple un kofr qui est moindre ou qui est en dessous du degré de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc c'est ce qu'on veut dire par l'expression kofron duna kofr. Et c'est une expression qui a été rapportée par les Sahaba, Abdullah ibn Abbas et d'autres également. Et on va expliquer des exemples à ce sujet-là. Parmi les exemples de kufr mineurs qui sont rapportés dans la révélation, il y a qu'est-ce qu'on appelle en arabe kufr ni'ma. Kufr ni'ma, si on la traduit, ça veut dire le fait d'être ingrat envers les grâces d'Allah. Donc c'est l'ingratitude envers les grâces d'Allah Azzawajal. Donc, l'ingratitude, c'est du kofr. Hein, c'est une forme de kofr. Mais c'est une forme de kofr mineur. C'est-à-dire de ne pas être reconnaissant envers Allah Azzawajal et envers les grâces qu'il nous a données. Donc, ça ne fait pas nécessairement sortir de la foi. N'empêche que c'est parmi les péchés. De même que de combattre un musulman ou de le battre ou de le tuer, ça rentre dans le kofr mineur aussi. Et le fait de jurer par autre que Allah, ça aussi, ça rentre dans le kufr mineur. Et parmi les exemples qui sont mentionnés dans le Coran au sujet de l'ingratitude envers les grâces d'Allah Azzawajal, kufr ni'ma, il y a le verset 112 dans Sourate An-Nahl que le cheikh a mentionné ici, et dans lequel Allah Azzawajal, il mentionne la question de l'ingratitude. Donc on va citer le verset. Allah Azzawajal, il dit dans le verset 112 dans Sourate An-Nahl, ce qui signifie, et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Hein, sa part de nourriture lui venait de partout, en abondance. Puis, elle se montra ingrate au bienfait d'Allah, hein, aux grâces d'Allah. Et Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Donc, l'expression en arabe dans le verset qui parle de cette ingratitude, c'est Fakafarat bi an'umillah. D'accord? Donc ça, c'est une référence à ce sujet. Et Cheikh Ahmed Al-Najmi, il dit, il dit Aqul al-kufr al-asghar warada fi sunnati kadhalik. C'est-à-dire le kufr mineur, il a aussi été rapporté par la sunna. Et ça, c'est dans le verset, yani dans, pardon, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Sibab, yani ça veut dire insulter, hein, as-sab, hein. Donc Sibabul muslim, ça veut dire le fait d'insulter le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça c'est fusuq. Fusuq, yani de la perversité, un péché grave. Wa qitaluhu kufrun. Qitaluhu, c'est-à-dire le fait de combattre le musulman. Donc d'insulter le musulman, c'est un grave péché. Et de le combattre, c'est du kufr. D'accord? Donc ça prouve que yani de combattre un musulman, c'est un grave péché. Hein? Et ça s'appelle kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a considéré que ce péché-là était tellement grave qu'il méritait de se faire appeler kufr, même s'il ne fait pas sortir de la religion. Et la preuve qu'il ne fait pas sortir de la religion, c'est dans l'explication de ce que le cheikh il va mentionner maintenant. Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici par le kufr dans ce hadith? Eh bien, c'est le fait de renier ou d'être ingrat vis-à-vis de la grâce, de la fraternité, de la foi. Parce que lorsque des croyants se combattent les uns les autres, eh bien, c'est comme si, yani, ils ont été ingrats envers le lien de fraternité que Allah leur a donné en grâce. Hein? C'est comme si la grâce de la fraternité et du lien de la foi qu'ils ont entre eux, eh bien, ils l'ont renié d'une certaine façon. C'est comme s'ils étaient ingrats envers cette grâce. Hein? Donc, c'est comme s'ils avaient c'est comme s'ils n'avaient pas été reconnaissants envers ce lien de la fraternité qui est une grâce d'Allah. Et donc, c'est comme s'ils ont renié ce bienfait-là. Il dit parce que Allah Azza wa Jal les a appelés frères dans le Coran, malgré qu'ils se combattent. Donc, c'est la preuve que même si des croyants se combattent, ils sont tout de même des frères, hein, même si le péché de se combattre entre eux est un péché qu'on a appelé kufr. Et il a cité comme référence à ce sujet le verset 10, 9 et 10 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, et si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors, yani, faites la réconciliation, hein, entre eux. Et si un des deux transgresse contre l'autre, après avoir fait la réconciliation, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revient à l'ordre d'Allah, alors réconciliez-les en toute justice. Certes, Allah aime les justes. Les croyants ne sont que des frères. Alors faites la réconciliation entre vos frères. Donc tout ça, c'est la preuve que le fait que deux groupes de croyants se combattent les uns les autres, ça ne les fait pas sortir des liens de la fraternité islamique. C'est la preuve que ce n'est pas du kufr majeur. Puisque Allah Azza wa Jal les a appelés des frères, malgré qu'ils se combattaient les uns les autres. S'ils étaient des mécréants, il les aurait pas appelés des frères. Naam. Et ensuite, le cheikh, il dit, une autre preuve à ce sujet, c'est dans le verset 178, dans Surat al-Baqarah. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit, à propos de la personne qui a tué, ici par exemple une personne, un musulman avait tué un autre musulman, donc le tueur dans le verset, il est appelé son frère. C'est-à-dire, le tueur est appelé le frère de la victime. Malgré que c'est lui qui l'a tué, Allah l'appelle son frère parce que c'est son frère en foi, en religion. Et c'est dans le verset, donc, « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ » مِنْ أَخِيهِ, ça veut dire de son frère. « شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ » D'accord, donc on va lire la traduction de ce verset-là. Allah Azza wa Jal, il dit... Mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Donc si par exemple les héritiers de la victime décident de pardonner au tueur, hein, eh bien... Yani, c'est un exemple de yani de l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure du fait que même si quelqu'un il a tué un autre musulman, bien ça c'est sûr que c'est un grand crime et c'est un grand péché, mais dans l'islam il y a la possibilité de pardonner, hein, c'est-à-dire que les héritiers de la victime ont la possibilité de lui faire grâce et de le pardonner. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, yani, par exemple, dans d'autres lois que dans la loi de l'islam. Par exemple, dans les lois humaines, si quelqu'un a tué une autre personne, ils vont soit le mettre en prison ou bien l'exécuter, hein. Et dans l'islam, c'est sûr que de tuer, c'est un grand crime et que Allah a prescrit pour le meurtre la peine de mort comme punition. Sauf que dans le cas du meurtre, la famille a le choix, c'est-à-dire les héritiers ont le choix de pardonner à la personne ou de demander la peine. Donc si par exemple la famille demande la peine, alors la personne va être exécutée. Mais si la famille décide de pardonner, hein, à celui qui a tué, hein, eh bien, ça c'est quelque chose qui est possible dans la charia de l'islam. Et Allah Azza wa Jal, il fait référence à ça dans ce verset. Donc il dit, s'ils ont pardonné à son frère, alors, ça, c'est quelque chose qui est un bien. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Ala kulli hal, yani, le cheikh il dit ensuite, wa qad ghalatat al khawarij fi hadha al bab, fa kaffarat bil dhunub, al kaba'ir. Wa ma dhalika illa li jahlihim wa iradihim an sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa takfirihim lis sahaba. وعدم أخذهم عنهم فوقعوا والعياذ بالله في البدعة الشنيعة وهي تكفير المسلمين واستحلال دماء المعصومين واستحلال أخذ أموالهم وما يترتب على ذلك من إفساد عظيم فالتفريق بين الكفر المخرج من الملة والكفر غير المخرج من الملة أمر له خطورته فكالحكم بغير الله كالحكم بغير ما أنزل الله إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Donc ici on va expliquer ce passage Le cheikh, il fait une note ici par rapport au Khawarij. Il dit que c'est eux, ils ont dévié dans ce domaine. C'est-à-dire que les Khawarij, ils ont dévié dans la question des péchés, puisqu'ils déclarent mécréants tout musulman qui commet des péchés. Et ils n'ont pas fait de distinction entre le kufr majeur et le kufr mineur. Ça, c'est un des égarements des Khawarij. Parce que pour les Khawarij, tous les péchés sont des kufr, tous les péchés sont des kufr majeurs. Hein? Et ils ne distinguent pas entre le kufr majeur et le kufr mineur. Et le cheikh, il dit que ça, c'est à cause de leur ignorance. Et parce qu'ils se sont détournés de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le takfir des sahaba. Ils ont déclaré kuffar les sahaba. Et ils n'ont rien pris d'eux, de la religion et de la compréhension de l'islam. Et c'est pour cette raison-là qu'ils sont tombés, hein, que Allah nous en préserve, dans cette lettre bid'a qu'ils ont inventée, c'est-à-dire de faire le takfir des musulmans et de rendre leur sang halal et leur bien halal. Et tout ce qui se découle de ça, de corruption et de désordre. Non. Tu connais pas les Khawarij? Les Khawarij, c'est un groupe ou une secte. En réalité, on pourrait dire même que c'est plusieurs groupes et plusieurs sectes qui sont apparus à différentes périodes dans l'histoire. Et ils ont, par exemple, des croyances extrémistes. Parmi leurs croyances, de déclarer mécréant tout musulman qui commet des grands péchés et de rendre halal leur sang et leur bien et de croire que ils sont dans l'enfer pour l'éternité et aussi le fait qu'ils ne distinguent pas entre le kufr majeur et le kufr mineur et également d'autres points qu'ils ont aussi le fait de se d'appeler à se rebeller ou à combattre les dirigeants musulmans et tous ceux qui yani, ne les déclarent pas mécréants. Donc ça fait partie de yani, de la bid'a des Khawarij. Et les Khawarij, il y en avait à l'époque, il y en a eu la première fois à l'époque des Sahaba. Ils sont sortis à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et les Sahaba les ont combattus. Et yani, c'était les Haruriyya, on les appelait les Haruriyya à l'époque, parce qu'ils sont sortis d'un endroit qu'on appelle Harura. Hein? La première fois qu'ils étaient apparus, c'était dans un endroit qu'on appelle Harura, et c'est là qu'ils s'étaient réunis. Donc on les a appelés les Haruriyya. Et après, il y a eu d'autres sectes qui sont apparues de différents groupes de Khawarij avec le temps qui sont sortis, Al-Azariqa et Al-Najdiya et d'autres. Et chacun de ces groupes, lorsqu'ils sortent, ils ont toujours ces tendances extrémistes de déclarer mécréants des musulmans lorsqu'ils font des péchés. Et à notre époque, hein, au XXe siècle chrétien, il y a des groupes qui sont apparus. Parmi ces groupes, Al-Qaïda, hein, et Daesh, et Boko Haram, et ainsi que aussi d'autres tendances et d'autres groupes comme le GIA, et il y a eu aussi des groupes de djihad qui prétendent faire le djihad mais qui ne font que le désordre. Et les frères musulmans qui ont beaucoup les frères musulmans qui ont beaucoup propagé la croyance de ce groupe des Khawarij parce que les frères musulmans les Ikhwan al-Muslimoun ils ont cette idée de rébellion contre les dirigeants et de se comme on dit de se révolter contre les gouverneurs. Et ils appellent à ça. Donc, ce qui fait qu'ils ont beaucoup, yani, disons, ils ont été une des grandes causes à la propagation de ce manhaj et de cette aqida des Khawarij dans le monde musulman et aussi en particulier avec les idéologies de Seyyed Qutb et ses livres, puisque dans ses livres comme Zilal al-Qur'an, puis Al-Ma'alim, Ma'alim fit Tariq, et des choses comme ça, il y a dans ces livres-là beaucoup d'idéologies des Khawarij. Naam. À la Kulihal, donc c'est ça c'est ça les Khawarij. Et comme on dit, il y en a toujours un autre qui apparaît plus extrême que le précédent. Naam. Donc c'est ce que le cheikh explique ici. Il dit que les Khawarij, donc ils n'ont pas distingué entre le kufr majeur qui fait sortir de la religion et le kufr mineur qui ne fait pas sortir de la religion. Et donc ça, c'est une question qui est très dangereuse, justement. Lorsqu'on ne fait pas cette distinction-là, c'est très dangereux, surtout dans la question du jugement par autre que la loi d'Allah. Parce que ça, c'est une des questions fondamentales sur lesquelles les Khawarij se sont basés pour faire le takfir des musulmans. Puisqu'ils disent, par exemple, que si tu, par exemple, tu juges pas par la loi d'Allah, ou bien plutôt, si tu juges injustement ou tu ne juges pas selon la loi d'Allah, automatiquement tu deviens mécréant. Et que ça, c'est un kufr majeur direct. Or, Abdullah ibn Mas'ud, il a expliqué à l'époque, parce qu'eux, ils faisaient le takfir des sahaba, imagine. Ils disaient que les sahaba, ils ne jugent pas selon la loi d'Allah. Pourtant, ils appliquaient la charia. Hein? Mais pour les khawarij, c'est jamais suffisant. Qu'est-ce que tu fais? Peu importe. Et à cause de leur ignorance aussi de la charia, eh bien, ils pensent parfois que des choses sont contraires à la charia, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, ils vont déclarer les musulmans kuffar à cause de ça. Et Abdullah ibn Abbas, lui, quand il a entendu les khawarij faire le takfir des musulmans, il a dit, ce n'est pas le kufr vers lequel ils vont. Hein? Ce n'est pas un kufr qui fait sortir de la religion, c'est un kufr qui est en dessous du kufr, c'est-à-dire un degré en dessous, inférieur, un degré inférieur de kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc c'est un péché et Allah et son messager l'ont appelé ce péché-là, ils l'ont appelé kufr, mais ça ne veut pas dire que il fait sortir de l'islam. Donc comme par exemple le fait que quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah, Allah Azzawajal, il dit dans le verset dans Sourate Al-Ma'ida, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas selon la loi d'Allah sont les kafirun, sont les mécréants. Et dans l'autre verset, il dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. D'accord? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce verset, ils l'ont appliqué dans son sens absolu et ils ont dit, si quelqu'un juge par la autre que la loi d'Allah, dans peu importe combien de cas, et peu importe yani la grandeur ou la forme, ou peu importe, eh bien, ils disent ça, c'est du kufr majeur, c'est-à-dire la personne, elle sort de l'islam. Or, si tu regardes par exemple l'explication des ulama à ce sujet, ils font la distinction entre la personne qui juge par autre que la loi d'Allah, parce qu'elle pense que la loi d'Allah, elle est inférieure et que la loi autre que la loi d'Allah, la loi des hommes par exemple, que la loi des hommes est supérieure à la loi d'Allah. Donc celui qui croit que la loi des hommes ou que la loi des idoles ou la loi des kuffars et des mushrikines, elle est meilleure que la loi d'Allah, celui-là il est kafir, ça c'est clair. Et si par exemple quelqu'un il dit, moi je juge par la loi d'Allah, et je crois que la loi d'Allah et la loi des hommes, elle est équivalente. Hein? Même niveau, c'est la même chose. Alors ça aussi, c'est du kufr. Parce que tu ne peux pas mettre la loi des hommes et la loi d'Allah à équivalence. Ça, c'est comme si tu rabaisses la loi d'Allah. Il n'y a rien qui équivaut à la loi d'Allah parce que ça vient d'Allah, tandis que la loi des hommes, elle vient des hommes. Donc, elle ne peut pas être équivalente. Et il y a d'autres qui ont dit, la loi d'Allah, elle est supérieure, mais c'est permis de juger par la loi des hommes. C'est halal. Donc, si tu dis que c'est halal de juger par la loi des hommes, Eh bien, ça implique que tu permets ce qui est haram. Parce que dans la loi des hommes, il y a le fait de rendre halal qu'est-ce qui est haram. Comme par exemple, l'alcool. Donc tu vas dire, selon la loi des hommes, l'alcool est halal. Et selon la loi d'Allah, l'alcool est haram. Donc tu as le droit de juger par l'un ou par l'autre. Donc si tu dis que c'est que yani, les deux sont égales, ou même tu dis non, ok, c'est pas égal, la loi d'Allah est supérieure, mais c'est permis. Donc ça veut dire que c'est permis de juger que l'alcool est halal. Donc ça veut dire que tu rends l'alcool halal, donc ça c'est kofr. Donc ces trois cas qu'on vient de mentionner, celui qui dit que la loi des hommes est supérieure à la loi d'Allah, ça c'est du kofr majeur. Celui qui dit que la loi d'Allah et la loi des hommes, elle est équivalente, ça aussi c'est du kofr majeur. Celui qui dit que la loi d'Allah est supérieure, mais que on a le droit, et c'est halal, et c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Ça aussi, c'est du kouf majeur. Ça, on va venir après. Laisse-moi juste terminer les exemples. Après, tu me mentionneras ta question. Le dernier cas, c'est le cas de celui qui juge par autre que la loi d'Allah, qui juge par autre que la loi d'Allah, mais qui reconnaît que la loi d'Allah, elle est obligatoire, et que c'est haram de juger par autre que la loi d'Allah, et que la loi d'Allah, elle est supérieure à toute autre loi, et qu'il n'y a rien qui est équivalent ou égal, mais il juge par autre que la loi d'Allah parce qu'il a une faiblesse dans sa foi, et parce qu'il suit sa passion, et à cause de ça, par exemple, il juge par autre que la loi d'Allah, il va juger injustement, il va faire une injustice. Parce qu'on lui a donné de l'argent, ou parce qu'il veut quelque chose de la dunya, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est du kofr mineur. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Et c'est comme si quelqu'un a commis un péché, mais ça ne fait pas sortir de la religion. C'est important, cette distinction-là. Parce que les khawarij, eux, ils ne font pas attention à ça. Et ils considèrent tout comme étant du kofr majeur, et ils font sortir tous les musulmans de l'islam, parce que c'est cette règle de juger par la loi d'Allah, elle ne s'applique pas seulement aux dirigeants. C'est-à-dire que tous les musulmans doivent juger selon la loi d'Allah dans tous les aspects de leur vie, pas seulement le dirigeant ou le juge. D'accord? Donc si un musulman dans sa vie de tous les jours, dans son travail, dans sa famille, dans sa maison, le musulman, l'imam dans sa mosquée, par exemple, l'homme d'affaires dans son entreprise, yani, le professeur dans sa classe, yani, s'il ne juge pas selon la loi d'Allah, eh bien, c'est la même chose que si tu l'appliques aux dirigeants, c'est la même chose. C'est pas seulement un verset, ce verset-là s'applique pas seulement aux dirigeants. Ce verset-là s'applique à tout le monde. Un père de famille, il doit juger dans sa maison selon la loi d'Allah. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ce n'est pas un verset comme les Khawarij qui l'applique seulement pour les dirigeants et qui l'applique seulement pour les questions qui ont rapport avec la loi internationale ou les lois du pays. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est même dans la croyance, tu dois juger par la loi d'Allah. Donc les groupes islamiques qui ne jugent pas par la loi d'Allah, qui jugent par des bid'ahs, hein, les groupes et les sectes, et les turq soufia, et les groupes de bid'ahs, les hizbiyyin, tous ces gens-là, ils doivent juger par la loi d'Allah. Et quand ils font des bid'ahs, ils ne jugent pas par la loi d'Allah. Hein? Donc on voit que l'application de ce verset, il est beaucoup plus général que ce qu'eux, ils essaient de l'appliquer sur le plan des gouvernements et des dirigeants et des choses de ce genre. Ça, c'est vrai, c'est un aspect, ça fait partie de ça, mais c'est pas uniquement là-dedans, et c'est pas juste eux qui sont concernés. C'est pour cette raison-là que c'est très dangereux de ne pas comprendre cette question-là comme il faut et de faire le takfir avec ce verset, parce que tu risques de faire le takfir de tous les musulmans, hein? Donc ça, c'est très important. Naam. C'est comme ici, par exemple. Au Canada, on est dans un pays de coffre. On est dans un pays laïque ou chrétien ou juif ou bien athée, hein? Un pays comme qui n'a pas de religion, si on veut, qui n'est pas musulman. Si on, pour résumer, là, c'est pas un pays musulman. Donc, le musulman, lui, dans ses affaires privées, dans ses affaires personnelles, et dans ce qui a rapport avec les affaires des musulmans entre eux, ils essaient de, le plus possible, de juger et de gérer leurs affaires entre eux, selon le Coran et la Sunna, tant qu'ils sont capables. D'accord? Et si jamais un musulman, il est forcé ou il est contraint à avoir recours à, par exemple, au système juridique pour obtenir son droit dans le système des koufars, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Parce que ça fait partie des nécessités. Donc, si toi, tu es un musulman et qu'on t'a fait une injustice et que tu veux obtenir ton droit et que tu vas avoir recours au système des koufars, ça, c'est permis parce que toi, tu veux obtenir ton droit. D'accord? Et dans cette situation-là, c'est une situation de nécessité. Mais si tu es capable d'obtenir ton droit sans avoir ce recours-là et de manière qui va être et qui va pas te ramener des problèmes, alors à ce moment-là, c'est correct. Et c'est pour ça que les musulmans entre eux, lorsqu'ils ont des conflits, ils devraient essayer de régler leurs affaires à l'amiable entre eux de façon islamique et ne pas nécessairement retourner aux lois des koufars parce que ça, des fois, il peut y avoir des injustices à cause de leur système qui est contraire à l'islam. C'est pour ça qu'il faut éviter ces choses-là. Et surtout quand il y a des problèmes entre les gens, par exemple, dans les questions de divorce, ou dans les questions de mariage, ou dans les questions de toutes ces questions-là. C'est important que les musulmans soient sincères envers Allah et qu'ils reviennent au jugement d'Allah. Ils demandent aux ulama de l'islam de trancher entre eux avec sincérité, et ils acceptent la vérité qui est basée sur le Coran et la Sunna dans leurs conflits, dans leurs disputes, pour arriver à s'entendre sur ça. Parce qu'il y a des gens, par exemple, s'ils trouvent que dans l'islam, quand ils trouvent leur droit le droit en leur faveur dans l'islam, ils vont courir pour dire, ah, il faut juger selon la charia. Mais quand ils trouvent que dans la charia, il n'y a pas leur droit, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trouver leur passion et leur désir dans le Coran, dans la Sunna, et qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils voient que dans la charia, ils n'ont pas le droit en leur faveur. Alors là, tout d'un coup, ils changent de bord, ils changent de bord, ils changent de position, et ils disent, ah, on va aller voir dans la loi des koufars, parce que je veux pas juger selon la charia parce que sinon ça va pas être en ma faveur. Donc ça, c'est l'attitude hypocrite en réalité ici d'agir comme ça. Et Allah Azzawajal, il a décrit cet exemple-là dans le Coran à propos des munafiqins qui veulent seulement juger par la charia quand c'est en leur faveur. Et quand c'est contraire à leurs intérêts, ils veulent pas juger selon la charia, ils veulent s'en aller vers le taghout, hein, vers ce qui contredit la loi d'Allah. Donc ça, c'est pas correct. Naam. Et en ce qui concerne la parole d'Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il dit que c'est un kufr qui est moindre que le kufr majeur, ça c'est rapporté par Al-Hakim. Et il a dit que c'est rapporté avec une chaîne d'authenticité, une chaîne authentique. Et l'imam al-Dhahabi l'a supporté dans cette opinion-là. Et elle est rapportée par l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Abbas. Parce qu'il y a des khawarij qui ont essayé comme si de remettre en question l'authenticité de cette citation et de ces paroles de Abdullah ibn Abbas à ce sujet, Sauf que yani, ça, c'est une parole qui est reconnue chez les salafs, hein, et mentionnée par tous les ulama dans tous les tafsirs. Tu retrouves cette explication de Abdullah ibn Abbas. Donc, il n'y a pas moyen de remettre en question cette parole-là, puisque c'est un principe dans l'islam. Ensuite, le cheikh, il dit: وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ومما ينبغي أن يعلم. Oui, c'est ça. Donc il dit ici, il y a une parole aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet d'un péché qui est mentionné et qui est appelé kufr, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Il a mentionné dans ce hadith, il dit il y a deux choses qui sont présentes chez les gens et qui sont du kufr. Et la première, c'est at-ta'nu fi an-nasab, c'est-à-dire le fait de dénigrer les gens ou d'insulter les gens dans leurs origines. Et le deuxième, c'est le fait de faire des lamentations pour les morts. Hein? De faire des lamentations pour les morts. Donc, ça, c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces choses-là kufr. Malgré que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait sortir de l'islam. Et il y a d'autres péchés encore. Même il y a un hadith qui dit Man atam ra'atahu fi duburiha faqad kafar. C'est-à-dire que la personne qui a des rapports intimes avec sa femme par le derrière, c'est-à-dire il y en a dans l'anus. Alors ça, c'est du kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ça kufr. Pourquoi? À cause de la gravité du péché. Et non pas parce que ça fait sortir de l'islam. Ensuite, le cheikh, il dit وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمْ أَنَّ الْاِسْتِحْلَالَ الْعَمَلِ لَا يُجِبُ الْكُفْرُ وَإِنَّمَا يُجِبُ الْكُفْرُ الْاِسْتِحْلَالَ الْاِعْتِقَادِ فَمَثَلًا مَنْ رَأَيْنَاهُ عَمِلَ الرِّبَى أَوْ الزِّنَى أَوْ شِرْبِ الْخَمَرِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً لَا يَجُوزُ أَنْ تُطْلَقْ عَلَيْهِ الْكُفْرُ وَنَجْعَلَهُ من الكافرين كفرا مخرجا من الملة وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلده فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله وفي رواية فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم فكون الإنسان ينساق بالشهوة أو الطمع أو غير ذلك من الأسباب التي يقع الناس بسببها في كبائر الذنوب هذا لا يوجب كفرا حتى وإن وقع في الذنب عدة مرات إلا أن يصحب ذلك الفعل تكذيب وتكذيب بتحريم ذلك تكذيب بتحريم ذلك الشيء الذي وقع فيه واستحلال له مع أن ذلك الشيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهذا يكفر أما بدون الاستحلال فإنه لا يكفر. المهم أن كفر النعمة لا يجب الخروج من الإسلام القولي ولا يجب الخلود في النار ولا يجب حبوط العمل ولا يجب إطلاق الكفر على ذلك الشخص إلا إذا صحبه استحلال لمحرم مجمع عليه أو التحريم لحلال مجمع عليه. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante que le cheikh a mentionné maintenant. Il a dit qu'il faut en fait faire la différence entre l'istihlal, par l'action et l'istihlal par la croyance. Et qu'il y a une grande différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire al-istihlal? Al-istihlal, ça veut dire de rendre quelque chose halal. Donc, si quelqu'un, il fait un péché ou quelque chose qui est haram, hein, il fait une action de quelque chose qui est haram, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que c'est kofr. Parce que les deux s'appellent istihlal en réalité. Tu peux rendre quelque chose halal par tes actions et tu peux rendre quelque chose halal par ta croyance. Et le fait que quelqu'un, par exemple, se permette de faire un péché, ça c'est une chose comme par exemple, tu vois quelqu'un qui est en train de boire de l'alcool. Donc c'est comme s'il se permet à lui-même de boire de l'alcool. Mais est-ce que ça veut dire qu'il croit que ça c'est halal de le faire? Pas nécessairement. Parce que c'est possible que quelqu'un boit de l'alcool, non pas parce qu'il croit que c'est halal, mais parce qu'il est faible dans sa foi et qu'il suit sa passion. Et il reconnaît son interdiction. Donc, à ce moment-là, on ne va pas déclarer la personne mécréante, hein, par le fait qu'elle fait ce péché-là. Mais c'est seulement si elle croit que c'est halal, hein, avec connaissance, alors à ce moment-là, on va considérer la personne qu'elle a rendu halal ce qui est haram, ça c'est du kofr, hein, majeur. Donc, si par exemple quelqu'un, il fait des transactions avec du riba, et on le voit faire ça, ou on le voit faire le zina, hein, ou bien on le voit boire de l'alcool plusieurs fois, on n'a pas le droit de dire qu'il est kafir. On n'a pas le droit de dire qu'il est mécréant, et de le considérer comme étant mécréant et comme étant sorti de l'islam. Pourtant, eux, les khawarij, ils vont dire oui, il est kafir. Automatique, direct. Mais les gens de la sunna, ils refusent de faire ça, puisque le fait que quelqu'un commette un péché, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Et il dit, le cheikh, que l'imam al-Bukhari, il rapporte selon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'il y a un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdullah. Et les gens le surnommaient Himar. Himar, ça veut dire un âne. Hein? Donc les gens l'appelaient l'âne. Et il faisait rire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Souvent, il amenait même au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des cadeaux ou des choses comme ça. Mais c'était un homme qui aimait l'alcool. Il aimait boire et il buvait souvent. Alors, à chaque fois qu'on l'attrapait en état d'ivresse, on appliquait sur lui la peine de la personne ivre, c'est-à-dire 40 coups de fouet. Alors, un jour, il est venu. Hein, on l'a ramené au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il était encore une fois ivre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit flagellé, 40 coups de fouet. Et il y a un homme parmi les gens qui étaient présents à ce moment-là qui a dit: Oh Allah, maudit celui-là, maudit-le. Comme il vient souvent, hein, comme il vient souvent, à chaque fois il revient en état d'ivresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ne le maudis pas. Il dit: Parce que je jure par Allah que je ne le connais que comme étant une personne qui aime Allah et son messager. Que je ne le connais que comme étant une personne qui aime Allah et son messager. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on le maudisse. Et dans une autre narration, il a dit: lorsqu'il s'est en allé, c'est-à-dire lorsque la personne est partie, hein, on a fini de le fouetter, donc il est parti. Et il y a un homme qui a dit qu'Allah le maudisse ou qu'Allah l'humilie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme-là qui a dit ça: ne soyez pas un aide pour le shaitan contre votre frère. Donc ça, c'est la preuve que le pécheur, c'est un musulman. Il n'est pas un kafir. Il ne faut pas le maudire ou l'insulter. Et après, il a dit... Donc, le cheikh, il dit, s'il y a un homme qui s'est enfoncé dans ses désirs et dans ses passions, pour une raison quelconque, et qu'il a fait à cause de ça des grands péchés, il dit ce grand péché-là ne le fait pas tomber dans le coffre majeur, même s'il retombe dans ce péché-là plusieurs fois. Hein? Excepté si la personne, en faisant ce péché, elle nie son interdiction et elle l'exprime verbalement. Hein? Elle dit verbalement qu'elle le rend halal. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'on a entendu de la part de certaines personnes à notre époque, comme par exemple certains parmi les sororiyas. Les sororiyens, c'est qui? Je vais vous dire c'est qui les sororiyas. Les sororiyas, ils prennent leur nom d'un homme qui s'appelle Mohammed Zain Abidine Sorour. C'est un Syrien qui faisait partie des frères musulmans et qui a vécu en Arabie Saoudite. Et du fait qu'il a côtoyé les ulama, ou d'une certaine façon, il a été en contact avec la aqida salafia, du fait qu'il entend les ulama expliquer la croyance d'Ahl Sunna et le tawhid et la position des ulama sur ces questions, il a donc compris que d'une certaine façon, les frères musulmans avaient des problèmes dans leur manhaj. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu essayer de créer une nouvelle version des frères musulmans qui adopte certaines notions de la aqida salafia ou du manhaj des salaf et le mélanger avec des principes des ikhwan. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ce qu'on appelle le groupe des sururiyas. Ils ont adopté la méthodologie des ikhwan et ils ont incorporé à ça certaines notions de la croyance des salaf, mais pas tous les aspects de la croyance des salaf, certaines croyances seulement. Et le résultat, c'est quoi? C'est des individus comme Salman al-Ouda, Safar al-Hawali et Abu Ishaq al-Huwayni, hein, et d'autres également. Et donc, ces individus-là, tu les entends parfois dans leurs audios, dans leurs cours, dans leurs interventions, quand ils parlent, ils disent, par exemple, et ils ont dit déjà dans certaines de leurs cassettes, si une personne persiste à faire un grand péché, ils disent, si elle fait un grand péché, elle n'est pas kafir, mais si elle persiste ouvertement à le faire, elle devient kafir. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le fait que la personne persiste à faire un grand péché, elle devient kafir. Et les ulama ont dit, ça c'est la voie des khawarij. Parce que, yani, du moment que la personne ne rend pas halal le péché en le disant ouvertement, c'est-à-dire elle ne dit pas, je considère que l'alcool ou le zina ou le riba c'est halal, tant qu'elle n'a pas rendu halal, tu ne peux pas la déclarer mécréante. Hein? Mais eux, ils considèrent que si la personne, elle persiste à le faire, c'est comme si elle le rend halal. Et donc ça, c'est une porte qu'ils ont ouverte pour la bid'a des Khawarij. Et malheureusement, ils ont considéré justement les musulmans qui font des grands péchés et qui persistent à les faire comme étant des kuffars. Or, le cheikh ici, cheikh Ahmed al-Najmi, il a clarifié ça. Et cette parole de ces gens-là, elle a été réfutée par beaucoup de ulama de notre époque, entre autres cheikh al-Albani, et cheikh al-Fawzan, et cheikh Rabi', et beaucoup d'autres parmi les ulama également ont réfuté ces propos-là de ces gens-là. Et cheikh Ahmed al-Najmi aussi, il les a réfutés là-dessus. Et justement, c'est ce qu'il explique maintenant. Il dit, si une personne commet un grand péché, même si elle le refait plusieurs fois, tant qu'elle ne l'a pas rendu halal en exprimant ou en niant l'interdiction du péché dans lequel elle est tombée, alors tu ne peux pas dire qu'elle l'a rendu halal. Donc c'est ça. Même si c'est une chose qui est connue dans la religion, c'est-à-dire que la chose que la personne, elle fait comme péché, c'est une chose qui est connue dans son interdiction, elle est connue par nécessité dans l'islam. Si elle le rend halal verbalement et qu'elle dit oui, ça c'est halal, à ce moment-là, oui, ça c'est du kufr majeur. Mais si c'est juste qu'elle fait ce péché-là sans déclarer la chose halal, à ce moment-là, tu ne peux pas la déclarer comme étant mécréante d'une mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc, en résumé, le cheikh, il dit, il y a donc un kufr mineur dans l'islam. Et le kufr mineur, c'est le fait de nier la grâce d'Allah, par exemple. Et ça, ça ne fait pas sortir de l'islam. Ok? Et il dit, ça ne fait pas non plus une personne être en enfer pour l'éternité. Et ça n'annule pas toutes ses œuvres. Et on n'a pas le droit d'appeler la personne qui a un kufr mineur comme étant un mécréant ou un kafir. Et il dit, excepté si la personne qui a fait un péché, elle le rend halal, explicitement, verbalement, après qu'on ait établi la preuve contre elle. Alors, et si c'est un... Aussi, il faut que ce soit quelque chose qu'elle rend halal, qui est quelque chose sur lequel tous les musulmans sont d'accord au sujet de son interdiction. Parce que des fois, s'il y a certaines choses sur lesquelles il y a des divergences entre les ulama au sujet de leur interdiction, alors à ce moment-là, tu ne peux pas faire leur takfir en te basant sur... sur cette action-là. Naam, tayyib. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine et on va la semaine prochaine faire le chapitre suivant à propos du nifaq. Le nifaq, c'est le fait de cacher sa mécréance et de faire croire qu'on est croyant, de montrer qu'on est croyant et de cacher la mécréance. Donc ça, c'est un autre chapitre qui est intéressant et très bénéfique aussi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.